Impromptu, de Frivolité de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. Impromptu. Ô vous pour qui chacun soupire et que pas un n'a su toucher, moi, que pourrais-je bien vous dire? Quel mot me faudra-t-il chercher? Vous dire que vous êtes belle, que vous avez de longs cheveux, un œil où l'amour étincelle? Votre miroir vous le dit mieux. Vous dire que votre voix tendre va droit au cœur quand vous chantez? Le plaisir qu'on a de l'entendre, coquette, vous le dit assez. Vous dire que je vous adore et de vous rêve jour et nuit? Ceux qui ne vous l'ont dit encore vous le diront avant minuit. Je vous dirai, soit que j'espère ou que le doute entre en mon cœur, je vous suis pour la vie entière esclave, et c'est là mon bonheur. Fin de Impromptu, lu par Ezoie en Belgique en février 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public.